J'attends la grippe, j'attends la grippe. Fais mourir, je ne sais vivre. J'attends la suite, j'attends la suite. Jeune, mourir vite. J'attends la cuite, j'attends la cuite. Vite mourir, je ne sais vivre. J'attends la suite, j'attends la suite. Sans penser à demain, ou d'être son heure, sa fin.